de diversité. 89. Cette semaine, non, Mathieu Planchot. Dans Television Television, une poursuite accuse des acteurs d'avoir imité de vrais médecins lors d'un examen rectal. C'est un peu comme un proctologue qui se prendrait pour un marionnettiste, mais ça serait plus réaliste un peu. Dans Segment Geek Cynix, une ampoule qui apprend de vos habitudes pour faire croire que vous êtes toujours chez vous. Est-ce qu'il existe une ampoule pour me faire croire que je suis chez vous? Madame, genre. Et dans Merci Science, communiquer de cerveau à cerveau est désormais possible. Au Mathieu Planchot, tout de suite. Et voici celui qui fait seulement semblant d'être en studio en ce moment, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, le segment Geek CNX, c'est un fait Tech Edition et la chronique de science, technologie et médecine, merci science. On va commencer aussi, on va continuer le commencement de notre nouvelle série musicale. Je devrais tout le temps changer le texte dans mon intro. Audio Engineering, a tribute to Sid sur la musique de la série Final Fantasy. C'est vraiment très très bon. On va continuer avec une deuxième partie tout à l'heure. Avant ça, par contre, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo créés à partir de consoles de jeux vidéo. J'ai une pièce pour débuter tout ça qui est par Duck Boy. Voici Duck Bass Drop au Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.fm. Bien l'émission, ça. Ah, voilà. Voici J-Rad et Techno Color Street featuring Groove Master 303. Après ça, c'est Television Television. Non, ben ça, c'est parce que l'Internet veut juste pas qu'elle joue, finalement. C'est ça que t'es en train de me dire. C'est ça que t'es en train de me dire. Ouais, définitivement, c'est ça le problème. Une dernière fois, après on arrête. Non, d'accord. J'ai compris. Ben, je pense qu'on va commencer Television tout de suite! Yeah! Hey, c'est moins d'attente pour vous, c'est le fun, sauf qu'après ça, je me demande ce que je vais faire tantôt. C'est pas grave. Television. Television. Ah, ben oui, c'est ça. Ben oui, continue donc de jouer à la toune de tantôt. T'sais. Non, s'il te plaît. Donc, c'est la chronique de télévision où on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Depuis, évidemment, la dernière édition du Mathieu Planchot. On va commencer, comme on le fait toujours, au Québec et au Canada. On va commencer avec une grande nouvelle dans mon domaine préféré, la télévision enregistrable, écoutable à bon escient, quand on le veut. Hein. C'est TiVo qui s'en vient au Canada, oui, avec énormément de retard. La mode du TiVo est passée au début des années 2000 aux États-Unis. Ça finit par tomber et être remplacé par quelque chose d'autre. Mais nous, au Canada, étant donné qu'on est en retard sur tout, hein, on arrive avec l'idée du TiVo. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est, TiVo? Ben, c'est pas grand-chose de vraiment différent. C'est un système d'enregistrement et d'écoute de télévision. Donc, TiVo fait son entrée au Canada. Cogeco Câble Canada offre le service télévisuel en Ontario sous le nom de Service Cogeco TiVo, hein, parce que c'est beaucoup trop catchy, tout ça. Cogeco devient ainsi le seul fournisseur de services télévisuels au Canada à offrir une intégration complète de Netflix. En effet, la fonction de la recherche avancée de TiVo explore la télévision en direct, le contenu enregistré ou sur demande, ainsi que les services de vidéo en ligne, incluant Netflix, pour afficher les émissions disponibles aux téléspectateurs. Ça vous offre l'ensemble de tout ça. C'est comme une boîte multimédia encore plus qu'un enregistreur numérique personnel comme on est habitué de voir chez Cogeco. Donc, les abonnés de Netflix peuvent avoir accès au contenu du service vidéo en ligne par l'intermédiaire de la plateforme TiVo avec une simple recherche unifiée. TiVo aide aussi les utilisateurs à découvrir de nouveaux contenus en fournissant des recommandations personnalisées. De plus, la plateforme enregistre automatiquement des émissions qui, selon les visionnements précédents, pourraient intéresser l'utilisateur. C'est vrai que ça a ça d'additionnel, c'est que tu peux donner un pouce en l'air ou un pouce en bas à une émission. Cette technologie-là est vraiment très, très cool. Le service Cogeco TiVo offre également une application pour les appareils mobiles iOS. Grâce à l'application Cogeco TV, les clients peuvent chercher, parcourir et planifier les enregistrements, mais également transférer les enregistrements de leur enregistreur numérique personnel à leurs appareils mobiles pour regarder les émissions là où ils se trouvent sans avoir besoin d'un accès à Internet sans fil. Une application pour les appareils Android est prévue pour avril 2015. Le service va être offert sur le marché québécois de Cogeco Câble Canada à partir du printemps 2015. Une fois que l'interface, la langue et l'algorithme de recommandation de la plateforme ont été personnalisés pour le public québécois. Pour l'instant, c'est au Canada anglais, mais ça, j'attends ça et j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Disons que je suis pas un énorme fan du menu et de l'affichage et de l'interface utilisateur de Cogeco, qui est la même qu'aux États-Unis et un paquet d'autres endroits. C'est la compagnie qui fait la boîte, qui décide de comment le menu est fait. Donc, Cogeco est prêt avec ça. Mais en amenant TiVo, ils vont pouvoir utiliser une interface pas mal plus améliorée, pas mal plus dans le présent que ce que Cogeco offre en ce moment. Il faut dire que Bell et Shaw sont certainement pas mieux. En fait, Shaw est probablement le pire menu et l'interface utilisateur la plus médiocre que j'ai eu la chance de voir jusqu'à maintenant. Le CRTC maintenant, parlons de télévision canadienne pour faire suivi sur des nouvelles qu'on avait mentionnées en début d'automne. Maintenant, les fournisseurs ne pourront plus exiger de préavis aux clients. Les fournisseurs de services de télévision, d'Internet et de téléphonie n'auront plus le droit d'exiger un avis de 30 jours à un client qui décidera d'annuler son abonnement. Le CRTC, donc le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qu'on salue, a annoncé qu'il s'attendait à ce que les fournisseurs abandonnent cette pratique au plus tard le 23 janvier prochain. Il s'agit de la première décision du CRTC prise dans la foulée des audiences publiques nommées Parlons Télé, une conversation avec les Canadiens sur l'avenir de la télévision, qui ont commencé en septembre dernier. Dans un communiqué, le CRTC a expliqué que les groupes de défense des consommateurs et des citoyens souhaitaient l'abolition de ces pratiques et que nombre de Canadiens avaient exprimé leur frustration à ce sujet auprès du commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications. Avec cette décision qui facilite le changement de fournisseur, le CRTC dit vouloir permettre à la population et aux petites entreprises de profiter plus facilement du marché concurrentiel. C'est vraiment absolument louable. Tu vas pouvoir changer de compagnie comme bon te semble. Pardon. Donc, si tu veux essayer le service de quelqu'un d'autre pour voir justement comment l'interface utilisateur de chat est affreuse, ben, Colin, tu vas pouvoir. On reste avec le CRTC et d'habitude, on garde les nouvelles de Netflix pour la fin. Mais comme ça a rapport avec le CRTC, je me suis dit qu'on allait en parler tout de suite. Netflix qui ne sera pas réglementé par le CRIC, le CRTC, nos bons amis. Donc, le CRTC est en train de revoir la réglementation au petit écran, mais Netflix n'aura pas à s'inquiéter, il ne sera pas réglementé, a tranché l'organisme. Les abonnés de Netflix n'auront pas à financer des fonds de production canadienne comme le font les abonnés du câble, et Netflix ne sera pas tenu de diffuser un seuil minimum de contenu canadien. Netflix et les autres services de visionnement en ligne continueront ainsi de bénéficier d'une exemption de licence. Donc, ils en sont venus à la conclusion que détenir une licence pour les services en ligne comme Netflix n'est pas obligatoire. Ils disent qu'on n'a pas besoin d'aller là pour atteindre les objectifs de la loi. L'an prochain, le Conseil annoncera une réforme de la réglementation au petit écran à la suite de sa consultation Parlons Télé. Plusieurs intervenants suggéraient d'assujettir Netflix et les autres services de visionnement en ligne à des conditions de licence, au même titre que les distributeurs télé. Dans un discours prononcé à Vancouver, le président du CRTC, Jean-Pierre Blais, a précisé, je cite, que réglementer Netflix est la dernière des préoccupations du CRTC. Ça me surprendrait que ça change durant mon mandat qui est jusqu'en juin 2017, mais c'est une question de fait. Avec ShowMe, qui est le service de visionnement en ligne de Shaw et Rogers, le projet Laté de Bell dont on parlait la semaine passée, Helico Club à volonté, il me semble qu'on a beaucoup de vigueur par rapport à l'offre télévisuelle sur les plateformes en ligne. ShowMe a annoncé que 30% de sa programmation sera du contenu canadien et ce sans aucune obligation réglementaire. Tout pourrait être exploité sans licence et beaucoup de contenu canadien y est disponible. On a atteint l'objectif de promouvoir le contenu canadien dans la loi, sans l'intervention du régulateur, dit-il. Lors des audiences du CRTC sur l'avenir de la télé en septembre dernier, le ton avait monté entre le président Blais et les représentants de Netflix et Google qui ont comparu mais n'ont pas voulu soumettre certains documents, même confidentiellement, de peur qu'ils ne tombent entre les mains de leurs concurrents. Le CRTC avait décidé de ne pas tenir compte de leurs observations. Donc, on va continuer à accorder à Netflix une exemption pour ne pas détenir une licence et se soumettre à des conditions de licence comme les chaînes de télé et les distributeurs. Le CRTC a toutefois annoncé sa première décision découlant de la consultation sur l'avenir de la télé. Comme on l'a dit, donc il n'y aura plus de délai de 30 jours pour annuler un abonnement. Maintenant, un patient de l'hôpital de l'Ontario poursuit un acteur de l'émission Saving Hope et un recherchiste pour l'émission pour avoir pour s'être mal représenté en tant qu'étudiant médicaux ou des médecins. Et en ayant participé à un examen physique invasif, William Fisher dit que Benjamin Harris, qui joue le docteur Zachary Miller dans l'émission populaire de CTV Saving Hope, et Maggie Gilmore, qui est décrit dans la poursuite comme étant une recherchiste médicale pour l'émission. Donc, ils auraient intentionnellement ou de façon négligente mal représenté leur vraie identité alors qu'ils étaient patients à l'hôpital Brampton Civic Hospital en 2012. Aucune des allégations ont été prouvées en cours, d'ailleurs. En plus de Harris et Gilmore, Fisher poursuit aussi Bell Media et CTV Television Network Limited, ICF Films et Hope Z1 Inc. qui produisent l'émission. Son docteur à lui, ensuite l'hôpital Brampton Civic, ainsi que le William Hosner Health System qui s'occupe, donc qui gère l'hôpital. Il cherche 100 000 $ en dommages. Bell Media, le porte-parole de Bell Media, Scott Henderson, a dit que la compagnie ne commentait pas sur les litigations, les litiges, qu'on dit en français, c'est bien ça. Donc, Fisher, qui est résident de Brampton en Ontario, dit que ou accuse Harris et Gilmore d'avoir accompagné son physicien dans la pièce lors de son examen médical. On l'a mené ou porté à croire que les deux étaient, dans le fond, des étudiants en médecine ou encore, bref, qui travaillaient dans le domaine. On lui avait pas dit aux patients qu'il faisait de la recherche pour Saving Hope. Et il dit que l'acteur et la recherchiste ont participé à des examens physiques invasifs. Comme on l'a dit tantôt, c'est un examen rectal. Donc, lui, il les accuse de viol. Voilà. C'est à peu près ça pour ça. Et aussi de manque de protection de la vie privée parce qu'ils ont discuté de son dossier médical avec le recherchiste et l'acteur de l'émission. Alors que c'est des affaires confidentielles. Bref, on n'est pas supposé en parler. Voilà. Sharon Stone, en vice-présidente des États-Unis. Oui, la chaîne câblée américaine TNT mettra à l'antenne sa série politique Agent X au cours de la deuxième moitié de 2015. Pour la première fois de sa carrière, Sharon Stone va tenir le rôle principal d'une émission de télévision. La star hollywoodienne se glissera dans la peau de Natalie McCabe, veuve qui décide d'entrer en politique après la mort de son mari sénateur. Elle devient rapidement la première femme vice-présidente des États-Unis et découvre par la même occasion que son nouveau poste implique une mission secrète qui est de protéger la Constitution en période de crise majeure. Elle sera alors aidée par son chef de cabinet, mais aussi par un mystérieux agent X. En développement depuis septembre 2013, le thriller est signé par William Blake Herron, scénariste connu au grand écran pour avoir signé La mémoire dans la peau. Tout ce qu'elle a fait à la télé jusqu'à maintenant, elle s'était contentée de l'apparition dans quatre épisodes de New York Unité Spéciale. Ça, je crois que c'est... Law and Order Special Victims Unit en 2010. C'est avec les crimes sexuels, je crois. Le suite télé pour Sans Limite, pas évidemment l'émission d'humour de TQS. Dans Star du Twitter, Sans Limite, Bradley Cooper s'investira dans la production de la version télévisée aux côtés de Roberto Orci et Alex Kurtzman. La série proposera une suite au film de Neil Burger, sorti en 2011. En chantier depuis plus d'un an, la déclinaison petit écran de Sans Limite se précise avec l'arrivée d'une chaîne CBS et du célèbre duo artisan de Sleepy Hollow, Hawaii Five-O et la nouveauté Scorpion. La version télé débutera son histoire où s'arrête le film. Thier suivait Eddie Mora, un écrivain new-yorkais fauché quitté par sa copine, dont la vie change du jour au lendemain grâce à la découverte d'une pilule spéciale, le NZT. Ce produit qui n'est pas encore commercialisé améliore sensiblement la mémoire, les perceptions et les capacités de raisonnement. Le NZT lui ouvre alors les portes de nouvelles vies sans aucune limite. Mais Eddie n'est pas le seul à connaître l'existence de cette pilule magique. Bradley Cooper, qui partageait l'affiche avec Robert De Niro et Abby Cornish, restera associé au projet en tant que producteur via sa société Yet To Be Named Company. Réalisateur du long métrage de 2011, Neil Burger pourrait assurer la mise en scène de l'épisode pilote. Il y a tellement de films adaptés à la télé, j'ai hâte de voir lesquels vont finalement être produits. D'ailleurs, ça vient d'un film, ça vient d'un livre, Les quatre filles du Dr. March, la série. L'histoire du film Les quatre filles du Dr. March sera adaptée en série. ABC va puiser l'inspiration dans le célèbre roman de Louisa May Alcott pour une série télévisée dans laquelle Natasha McElhone de l'émission Californication tiendra un rôle, selon The Hollywood Reporter. Publiée en 1868 aux États-Unis, Les quatre filles du Dr. March raconte l'histoire des sœurs Meg, Jo, Beth et Amy pendant la guerre de sécession. Alors que leur père s'est engagé volontairement dans le conflit comme aumônier, elles apprennent à se débrouiller à Concord, dans le Massachusetts, en compagnie de leur mère et de leur domestique, Hannah. Natasha McElhone est à l'heure actuelle l'unique comédienne reliée au projet. L'histoire de cette famille anti-esclavagiste est toujours prête à aider les plus démunis, malgré la perte de leur fortune, a été maintes fois portée au grand écran et au petit écran. La dernière en date remonte à 1994. Le producteur derrière Bob's Burgers co-développera et produira des émissions d'animation pour Teletoon at Night. C'est évidemment la version de nuit de Teletoon qu'on appelle Teletoon la nuit en français, mais donc ça ne précise pas dans l'article si ça va être diffusé en français aussi. Parlez-moi, j'ai vraiment de la difficulté avec Internet comme le veut la tradition. On va y aller avec... Bon, ben voilà, l'article est disparu. L'article est disparu. On va passer à la prochaine et on y reviendra. L'équipe de 24 heures chrono remet ça. L'équipe de l'émission, les producteurs Howard Gordon, Manny Cotto et Evan Katz se retrouvent pour élaborer une nouvelle série d'action qui aura comme héros le président des États-Unis, indique encore une fois The Hollywood Reporter. Largement présent dans 24 heures chrono, le résident de la Maison-Blanche se retrouvera donc une nouvelle fois au cœur d'une série. Dans ce projet baptisé POTUS pour President of the United States, le président décidera de jouer avec ses propres règles à la suite d'une nouvelle déception politique. Malgré ses bonnes intentions, l'homme le plus puissant du pays deviendra finalement corrompu par le pouvoir. POTUS devient le quatrième projet porté par Takewood, société de production d'Howard Gordon, déjà derrière Homeland et Tyrant. Le producteur travaille en parallèle sur une nouvelle adaptation de Frankenstein pour la Fox, sur Human Resources pour la NBC et sur Midnight Mission pour CBS. On peut revenir à Bob's Burgers. Corus Entertainment noue une entente de co-développement et de production pluriannuelle, ça veut dire pendant plusieurs années, avec la compagnie... C'est tellement évident, mais en même temps, je trouve que le nom est comme prétentieux. Avec la compagnie de production d'animation Bento Box Entertainment, ce partenariat permettra aux producteurs derrière Bob's Burgers de développer et coproduire des émissions originales pour le bloc de programmation de Teletoon at Night dès 2016. Bento Box, en partenariat avec Corus, apportera également cette offre de programmation au marché américain et international pour une distribution multiplateforme. Bento Box va travailler de pair avec Corus et son studio d'animation Nelvana et sa compagnie de technologie en logiciel d'animation Toon Boom. Bento Box Entertainment, fondé par Scott Greenberg, Mark Jimsey et Joel Kuwahara, est connu en tant que producteur de la série Bob's Burgers, mais aussi des séries Brickleberry, The Awesomes, Glove and Boots, Alan Gregory et Out There. Maintenant, on passe à Netflix avec un antépisode. Ça, c'est le terme en français, apparemment, pour une prequel, donc une pré-suite, ou comme je les appelle, une pruite. Mais apparemment, qu'on appelle ça un antépisode en français. Netflix a annoncé la sortie juste avant Noël d'un antépisode du film d'animation familial à succès Madagascar dans le cadre de son accord de programmation originale avec DreamWorks Animation. Le service de vidéo en ligne diffusera le 19 décembre les 5 premiers épisodes de All Hail King Julien en Amérique du Nord, en Amérique latine et sur certains marchés européens, dont le Royaume-Uni et la France. Davantage d'épisodes de 22 minutes suivront en 2015 avec Danny Jacobs donnant sa voix au roi lémurien King Julien, un rôle attribué à Sacha Baron Cohen dans le film original de 2005. Ça, c'est Borat, là, Sacha Baron Cohen, trop occupé pour faire une série sur Netflix, hein? Henry Winkler, qui lui n'est plus tellement occupé, c'était Fonzie dans la sitcom culte Les Jours Heureux dans les années 70, Happy Days. Il va prêter sa voix au prédécesseur du monarque. DreamWorks Animation a signé en la mi-2013 un accord sur plusieurs années avec Netflix pour fournir quelques 300 heures de programmes originaux inspirés de certains de ses dessins animés les plus populaires diffusés au cinéma. Et en décembre dernier, on se rappelle que cette collaboration avait ainsi mené à la diffusion, oui, de Turbo Fast, inspiré du film Turbo. Voilà, c'est une aventure d'un escargot rapide. Toujours chez Netflix, on va adapter Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events. Oui, Netflix va adapter la populaire série de livres Series of Unfortunate Events, qu'on appelle en français Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, dans une série originale. La firme basée en Californie a repris les droits pour produire une nouvelle série basée sur la série de 13 livres de Lemony Snicket, qui s'appelle vraiment Daniel Handler, publiée entre 1999 et 2006. Series of Unfortunate Events décrit les malheurs de Violette, Klaus et Prunil après l'incendie ayant coûté la vie à leurs parents. Si leur persévérance leur permet régulièrement d'échapper aux manigances du comte Olaf, personnage machiavélique prêt à tout pour s'emparer de leur fortune par tous les moyens possibles, leurs talents respectifs ne réussissent pas à les sortir d'une série de catastrophes en tout genre qui ne cesse de s'abattre sur eux. D'ailleurs, Paramount Television, qui avait créé l'adaptation au cinéma en 2004, mettant en vedette Jim Carrey, va produire la série en association avec Netflix. Snicket servira en tant que producteur délégué. Voilà. Voilà pour Television. Oui, quand même, on est arrivé à la fin sans même que je m'en rende compte. Allons-y avec les codes d'écoute pour la semaine du 20 au 26 octobre 2014. Pourquoi pas commencer par le Québec, hein? Position 15 à 6 en rafale. Allons-y avec Vol 920, La Poule d'or, Vol 920, Au secours de Béatrice, Les Pêcheurs, Vlog, Sur invitation seulement, Fort Boyard. À date, c'est pas mal la TV, hein? Mémoire vive, Oh et le gala de la... Non, et Oh. Ensuite, en cinquième place, le gala de la disque. Quatrième, toute la vérité. Troisième, Yamaska. Deuxième, unité 9. Et première place, le banquier. Du côté du Canada anglais, 15e à 6e en rafale, The Blacklist, Survivor San Juan, Blue Bloods, Person of Interest, The Amazing Race, CSI, How to Get Away with Murder, NCIS New Orleans, Gotham et Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. En cinquième, c'est NCIS. En quatrième, Castle. En troisième, The Flash. En deuxième, Criminal Minds. Et en première, c'est bien sûr, comme toujours, The Big Bang Theory. Voilà, c'est tout pour Television. Television, c'est bien vrai. C'est terminé. Est-ce que ça fonctionne du côté d'Internet, de ce côté-ci? Ah, je sais pas. On va aller voir. Okay. On va aller voir ensemble si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, j'ai aucune espèce d'idée de ce qu'on va faire. Pour être bien honnête avec vous, on va sûrement prendre la pub. Ce serait plate, mais ça va peut-être être demain. Donc, on écoute. Essayons. Pour vrai, c'est la dernière chance pour cette chanson-là. Voici J-Red et Technocolor Street featuring Groovemaster 300 au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. 89 FM. Ah, date, ça va bien. J'ai très peu d'espoir. Clairement pas. On prend la pub, on revient dans deux minutes. On va te faire le choix, c'est... Bonjour, c'est toujours Mathieu Plante, je suis avec Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. On n'a pas Internet en ce moment, donc on va aller avec la série qu'on fait en concert. D'habitude, on l'a fait en fin d'émission. Aujourd'hui, on va la saupoudrer tout le long parce que c'est tout ce que j'ai. Hein? On va être bien franc. Hein? Donc, on va écouter Audio Engineering, A Tribute to Sid, qui met en vedette 13 pièces de 12 artistes différents qui réarrangent les chansons de la série de jeux vidéo Final Fantasy. L'album contient aussi des images inspirées par les incarnations de Sid, le personnage fictif récurrent de la série. Ça a été fait tout ça par les fans, pour les fans, et c'est pas du tout affilié avec Square Enix, la compagnie derrière la série. Cet album-là a pour mission de promouvoir la musique inspirée par les jeux vidéo et des artistes talentueux qui ont participé au projet. Donc aujourd'hui, on va entendre plusieurs pièces jusqu'à la fin de l'émission, probablement, à moins que les choses changent. On va commencer par la quatrième, une chose à la fois. Écoutons Heart of the Machine, Musica Machina, The Ancient Library Fireship, par Tubers McGee. Oh, Mathieu Planchot. Tubers McGee. OK. Si tu le dis. Après ça, ça va être Merci Science. Tubers, Miggy et Heart of the Machine, Musica Machina, The Ancient Library et Fireship, évidemment de Final Fantasy, c'était dans la série A Tribute to Sid Audio Engineering. On va faire ça tout le long de l'émission, donc continuons avec Merci Science. Ben oui. C'est Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec des chiens qui pourraient tester un traitement anti-âge. Après des essais prometteurs chez la souris et avant de l'évaluer chez l'homme, des chercheurs proposent d'étudier sur des chiens les effets d'une molécule anti-âge, la rapamycine, un médicament actuellement utilisé pour éviter les rejets de greffe. La rapamycine, c'est un antibiotique utilisé comme immunosuppresseur pour éviter les rejets de greffe. Mais serait-elle aussi la fontaine de jouvence capable de rallonger notre espérance de vie? Eh bien, cette molécule a pour cible TOR, ça veut dire Target of Rapamycin, une protéine impliquée dans la croissance cellulaire. Elle pourrait donc agir directement en ralentissant le vieillissement, mais aussi en prévenant des maladies liées à l'âge, tels certains cancers. Plusieurs raisons expliquent qu'il n'y ait encore pas eu d'essais cliniques chez l'homme. D'une part, les essais cliniques chez l'humain sont coûteux. Il faudrait un essai sur une longue durée pour savoir si un médicament peut rallonger l'espérance de vie. D'autre part, la rapamycine pourrait avoir des effets secondaires importants. Par exemple, une étude de 2008 indiquait que les molécules étaient liées à un risque accru de diabète chez les personnes qui avaient subi une greffe de rein. Chez la souris, une étude parue en 2009 dans Nature a montré que la rapamycine rallonge la vie de 13% chez les femelles et de 9% chez les mâles. Pour évaluer quels pourraient être les effets de la rapamycine sur l'homme, des chercheurs proposent de tester la molécule sur des chiens. Deux biologistes moléculaires, Matthew Kiberlin et Daniel Promislow de l'Université de Washington, ont invité des experts en santé canine et en biologie du vieillissement au symposium Healthy Aging in People and Their Pets les 28 et 29 octobre dernier pour discuter de tel essai. Les scientifiques proposent de donner de faibles doses de rapamycine à de grands chiens dont la durée de vie est de 8 à 10 ans alors qu'ils sont âgés entre 6 et 9 ans. L'essai pilote pourrait inclure 30 chiens dont la moitié recevrait le médicament. L'objectif de tel essai serait d'évaluer la capacité du médicament à allonger l'espérance de vie des chiens ainsi que de connaître les effets du médicament sur la santé en général. Cela permettrait d'en savoir plus sur les effets secondaires prévisibles chez l'homme, les chiens apportant un modèle d'étude plus proche que la souris. Pour justifier ce projet, Matthew Kiberlin souligne que les chiens souffrant de maladies liées à l'âge proche de celle de leur maître et qu'ils vivent dans un environnement comparable. Souligne que les chiens souffrent de maladies liées à l'âge proche de celle de l'âge. Je comprends pas la phrase, mais bon. Il prévoit d'ailleurs d'inclure le sien dans l'étude, un berger allemand, lorsque celui-ci sera suffisamment âgé. Donc, il va quand même participer par la bande à l'étude. Travailler pendant des années en horaires décalés, notamment la nuit, accélère le vieillissement cognitif, selon une étude franco-britannique. Les effets négatifs persisteraient des années après un retour à des horaires normaux. Alors que le travail de nuit et le travail posté, ça c'est le avec des oreilles, des horaires changements, la fatigue hein, aujourd'hui, sont déjà suspectés de jouer un rôle dans divers problèmes de santé comme les ulcères. Les maladies cardiovasculaires et certains cancers, des chercheurs ont entrepris d'étudier son impact sur les capacités cognitives, ce dont je ne suis pas apte à avoir des capacités cognitives. Pendant 10 ans, ils ont suivi 3000 salariés du sud de la France, âgés de 32 à 62 ans au début de l'étude, œuvrant dans tous les secteurs de production et dont la moitié avait travaillé en horaire décalé pendant moins 50 jours au cours de l'année. Leur capacité cognitive, c'est-à-dire la mémoire, l'attention et la vitesse de réaction, ont été mesurées à 3 reprises en 1996, en 2001 et en 2006 lors de tests neuropsychologiques. L'étude publiée dans la revue médicale Occupational and Environmental Medicine a permis de montrer que tous ceux et celles qui avaient eu un travail posté pendant 10 ans ou plus présentaient un déclin cognitif. C'est un processus naturel chez toutes les personnes vieillissantes, nettement plus rapide que les autres. La baisse des scores obtenus équivaut à un vieillissement cognitif de 6,5 ans, qui est une baisse qui n'est pas négligeable, mais qui demande encore à être confirmée par d'autres études. L'étude a permis de montrer que l'impact négatif sur les capacités cognitives persistait pendant au moins 5 ans après l'arrêt du travail posté et qu'il existait une grande variabilité selon les individus. Parmi les solutions préconisées pour limiter ces effets, le chercheur a cité une surveillance médicale personnalisée ainsi qu'une meilleure organisation du travail permettant de favoriser les horaires les plus favorables au sommeil. De plus en plus répandu dans divers milieux professionnels, le travail en horaire décalé a fait l'objet de plusieurs études ces dernières années qui ont identifié divers risques en termes de santé. Le travail posté de nuit avec des alternances irrégulières de périodes de travail jour-nuit a notamment été classé comme cancérogène probable en 2007 par le Centre international de recherche sur le cancer. l'Agence de l'Organisation mondiale de la santé pour le cancer en raison de son effet perturbant sur le rythme biologique. Une étude suédoise publiée en 2011 a pour sa part montré que le travail de nuit doublait le risque de sclérose en plaques chez les jeunes, tandis qu'une étude française publiée l'année suivante a fait état d'un risque accru de cancer du sein d'environ 30% chez les femmes travaillant de nuit. Donc c'est quand même vraiment majeur comme nouvelle. La guérison apparente de deux hommes infectés par le virus du sida, le VIH, dont l'un depuis 30 ans qui résulte d'un phénomène naturel, ouvre des perspectives intéressantes selon les travaux des chercheurs. Chez ces deux personnes, le virus a été intégré dans l'ADN et complètement neutralisé. Il s'agit d'une observation très intéressante et une première démonstration avec le VIH d'un phénomène que la nature a su faire au cours de l'évolution avec d'autres virus, commente le professeur Yves Lévy, co-auteur d'une étude dont les résultats sont détaillés dans le journal spécialisé Clinical Microbiology and Infection. Deux patients ont été infectés par le VIH sans jamais avoir été malades ni avoir eu le virus détectable dans le sang, rapportent les auteurs de l'étude. Aucun des deux n'a dû être traité. Cette observation, je cite, « représente une piste pour la guérison ». C'est fin de la citation. L'analyse a permis de reconstituer... C'est pas très pertinent comme citation. L'analyse a permis de reconstituer le virus retrouvé dans le génome de ces patients. Les chercheurs ont ainsi pu montrer qu'il était inactivé par un système d'interruption de l'information délivrée par les gènes du virus. Le virus est ainsi devenu incapable de se multiplier, mais reste présent à l'intérieur de l'ADN des patients. Ces interruptions seraient dues à une enzyme connue qui est l'ApoBec, qui fait partie de l'arsenal des humains pour lutter contre le virus, mais qui est absolument inactivée par une protéine du virus, qui est la protéine VIF. Ce travail ouvre des perspectives de guérison par l'utilisation de la stimulation de cette enzyme et aussi des perspectives de détection pour les patients nouvellement infectés qui ont eu une chance de guérir spontanément, selon les auteurs. Pour le professeur Raoul, il pourrait aussi conduire à revoir la définition même de la guérison qui actuellement repose uniquement sur l'idée de débarrasser l'organisme du virus. On pourrait juste le désactiver. L'infection par le VIH datait de plus de 30 ans pour le patient âgé de 57 ans, diagnostiqué en 85. Il paraît de surcroît être immunisé contre une nouvelle infection. La séropositivité du second, un Chilien de 23 ans, a été identifiée en 2011, même s'il a probablement été infecté 3 ans auparavant en Amérique du Sud. Aucun n'avait d'autres facteurs de résistance au VIH connu, donc la mutation de la serrure CCR5 qui permet au VIH d'infecter les cellules. Ce travail repose sur l'hypothèse que le virus du sida, qui est un rétrovirus s'intégrant dans l'ADN humain, peut avoir le même destin que les centaines de rétrovirus ayant déjà été intégrés dans les ADN des mammifères, dont l'homme. Cette hypothèse provient aussi d'une observation faite chez les koalas qu'un virus de singe cause de cancer et de leucémie ne rend plus malade après l'intégration et la neutralisation du virus dans leur génome. OK. Donc, chez les koalas, je cite, « Chez les koalas devenus résistants à ce virus de gibbon, par ce même phénomène d'intégration ou d'endogénisation, la résistance est transmissible à la descendance. » Pour les chercheurs, ce mécanisme a été probablement très commun au cours d'épidémies précédentes. Ils estimaient donc logique de penser qu'il se produirait chez un certain nombre de patients infectés par le virus du sida. Parfois, les mots nous manquent pour exprimer des choses. Hein? C'est le bon cas aujourd'hui. Et si nous pouvions communiquer directement de cerveau à cerveau sans avoir besoin de langage? Un premier pas a été franchi dans une expérience de connexion directe entre deux cerveaux. Donc, on sait comment il peut être parfois compliqué d'exprimer des sentiments ou d'expliquer des concepts abstraits. Aussi, transmettre une information directement d'un cerveau à un autre, est-ce vraiment de la science-fiction? Avant d'en arriver là, les chercheurs de l'Université de Washington ont voulu transmettre une information simple d'un cerveau à un autre en utilisant une interface de cerveau à cerveau, donc un brain-to-brain interface, un BBI. Ce dispositif a plusieurs fonctions, soit de lire l'information provenant de l'activité neurale... Pardon. Donc, plusieurs fonctions. Lire l'information provenant de l'activité neurale du cerveau émetteur, le décoder et transformer l'information numérique afin de générer une autre activité neurale dans le cerveau récepteur. La même équipe de recherche avait montré en août 2013 qu'une connexion était possible entre deux cerveaux grâce à une expérience où un chercheur avait fait bouger à distance le bras de son collègue. Après ce premier succès, les chercheurs ont voulu... On avait parlé de ça à l'émission, je me rappelle. Après ce premier succès, les chercheurs ont voulu reproduire l'expérience à plus grande échelle sur 6 volontaires répartis par groupe de 2. Leurs résultats paraissent dans la revue Plus One. Plus précisément, l'équipe utilise deux outils non-évasifs pour connecter les deux cerveaux. Le premier participant dit « émetteur » et relié à un électroencéphalogramme, un électroencéphalographe qui lit l'activité cérébrale et envoie des pulsations électriques via le web au second participant, le récepteur. J'espère qu'il n'y a pas le même Internet qu'à l'UQTR parce que ça ferait pitié en TC. Celui-ci porte un casque avec une bobine de stimulation magnétique transcrânienne placée près de la partie du cerveau qui contrôle les mouvements de la main. Le principe était le suivant. Le premier participant était devant un écran d'ordinateur avec un jeu vidéo dans lequel il devait défendre une ville en tirant un coup de canon. Mais au lieu de jouer directement, il devait penser au déplacement de la main qui tirait le coup de canon. Le récepteur était assis dans une pièce située dans un autre bâtiment du campus. Il ne pouvait pas voir le jeu et sa main se trouvait près d'une tablette tactile qui pouvait tirer le coup de canon. Si l'interface entre cerveau fonctionnait, la main du destinataire bougeait et pressait la tablette pour déclencher le tir. Dans la moitié des essais, il y avait un avion ami qui passait et l'émetteur devait se retenir de tirer. Les deux participants ne pouvaient pas interagir entre eux d'aucune autre manière que par le lien entre leur cerveau. Le temps de transmission d'informations d'un cerveau à l'autre était de l'ordre d'une seconde. La précision à laquelle les participants réussissaient à jouer au jeu ensemble variait entre les binômes. Ça, c'est une équipe de deux. Un des trois binômes a eu des résultats moins bons que les deux autres. Il est apparu que c'était dû à l'émetteur qui n'arrivait pas à générer une information suffisante pour l'ordre de faire feu. Ça se voyait sur son électroencéphalographe. Celui-là, c'est le me. lorsqu'on le comparait aux autres. Les activités cérébrales dans les deux situations, donc faire feu ou se retenir en présence de l'avion ami, étaient trop proches. L'information extraite du cerveau par électroencéphalographe peut donc être retransmise à un autre cerveau en utilisant une méthode non évasive sans implantation d'électrode dans le cerveau. C'est absolument fascinant. J'adore cette nouvelle. C'est vraiment très, très cool. Pour tenter de trouver un vaccin contre le virus Ebola, vous avez peut-être entendu parler. Une start-up canadienne fait équipe avec l'Université de Toronto pour développer une intelligence artificielle capable d'analyser l'efficacité de millions de médicaments potentiels. Ça s'appelle le Schématria. L'épidémie actuelle d'Ebola a coûté la vie à près de 5 000 personnes, tandis que 13 000 sont présentement infectées à travers le monde. Pour les scientifiques, il est urgent de trouver un vaccin contre cette maladie dévastatrice. Et certains n'hésitent pas à se tourner vers l'intelligence artificielle pour les épauler. C'est là qu'intervient la start-up canadienne Schématria, ou Kimatria, ou Kimatria, j'ai aucune idée. Fondée en 2012, cette entreprise a développé un algorithme destiné à accélérer la découverte de médicaments plus efficaces. Pour ce faire, l'intelligence artificielle analyse des modèles statiques de molécules pour prédire leurs effets sur une cible biologique spécifique. Schématria fait équipe avec l'Université de Toronto dans le cadre de leur recherche de traitement contre le virus Ebola. L'algorithme de l'entreprise a ainsi été installé sur le superordinateur le plus puissant du Canada. Le docteur Jeffrey Lee, chercheur à l'Université de Toronto, estime que les premières recherches sont prometteuses. Je cite, « Nous mettons l'accent sur les mécanismes d'Ebola pour scruter les cellules qui l'infectent. Si nous pouvons interrompre ce processus avec un nouveau médicament, alors nous pourrions empêcher le virus de se répliquer. » L'algorithme de Kimatria, je vais le dire différemment à chaque fois, permet aux scientifiques de gagner du temps et de ne se focaliser que sur les médicaments prometteurs qui peuvent ensuite faire l'objet de tests en laboratoire. Néanmoins, il ne garantit pas pour autant la découverte assurée de traitements efficaces, même s'il peut accélérer le travail des scientifiques. Il a notamment été déjà utilisé dans la recherche contre le paludisme, la sclérose en plaques et la leucémie. Et finalement, Microsoft nous propose un casque à conduction osseuse pour aider les malvoyants. Ils travaillent sur un casque audio 3D capable d'aider les personnes malvoyantes à se déplacer de manière autonome. Qu'il s'agisse de Facebook, Google, Microsoft, les grandes compagnies high-tech multiplient leurs efforts dans le domaine de la santé. Récemment, la firme de Redmond, donc Microsoft, a souhaité se pencher sur la meilleure manière d'aider les personnes souffrant de cécité ou de déficience visuelle. Actuellement, près de 285 millions de personnes sont malvoyantes, 39 millions d'entre elles sont aveugles et 246 millions présentent une baisse de l'acuité visuelle. Lorsqu'un de nos sens n'est plus ou très peu fonctionnel, d'autres prennent la relève, on le sait tous. Les personnes malvoyantes sont alors davantage sensibles aux sons qui les entourent. En partant de ce constat, Microsoft a conçu un casque à conduction osseuse. Puisque l'ouïe est un sens primordial pour les personnes dotées d'un champ de vision réduit, le casque ne couvre pas les oreilles. Il sera donc possible d'établir une conversation tout en recevant des instructions. L'appareil, un peu comme une oreillette, finalement. L'appareil offre un champ sonore 3D directement transmis dans les mâchoires de l'utilisateur. Le casque est conçu sur mesure avec une analyse faciale réalisée par Kinect, le produit de la Xbox One. Il est par ailleurs appairé... oui, je disais. Il est par ailleurs appairé à un smartphone avec une application capable de géolocaliser l'individu. Grâce à diverses gestuelles, l'application sera en mesure de retourner les informations sur les lieux à proximité ou de lire les beacons. Ça, c'est les signaux qui sont envoyés et ensuite reçus sur un téléphone, entre autres. The Verge explique, ça c'est un site web de nouvelles, explique par exemple que dans un train, l'individu obtiendra des informations lorsqu'il est arrivé à un arrêt. Il pourrait également dicter un itinéraire sur un GPS et suivre les instructions au fil de sa marche. Le champ sonore en 3D permet à la personne équipée du casque de connaître plus précisément la position d'une boutique qu'elle se trouve devant, à droite ou derrière, à gauche de ce dernier. L'avantage de ce dispositif serait son prix de revient, particulièrement abordable selon Microsoft. Un point plutôt intéressant puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 90% des personnes qui présentent une déficience visuelle vivent dans des pays à faible revenu. Donc, ils ne peuvent pas se permettre des gadgets trop dispendieux. Voilà. Génial. C'est tout pour cette chronique. Merci, science. Tout à l'heure, on a le segment geek CNX. Mais avant ça, je retourne à notre série musicale Audio Engineering, a Tribute to Sid. Comme on disait, c'est la musique de Final Fantasy reprise par 12 artistes différents. On est rendu à la cinquième pièce. Voici DJJD avec Experience of a Fiend, entre parenthèses Devil's Lab. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. JJD avec Experiments of a Fiend, entre parenthèses, Devil's Lab. Ça fait partie de la compilation Audio Engineering a Tribute to Sid qu'on écoute aujourd'hui au Master Plan Show. Alors, on continue avec le segment Geek Scenics. Scenics. La chronique de la vie geek. C'est le but de Geek Scenics. Commençons avec une réduction du bruit ambiant dans les voitures dans le domaine des avancées technologiques. Le spécialiste des systèmes audio embarqué Harman et Lotus Engineering ont co-développé une technologie de réduction active du bruit dans l'habitacle d'une voiture. L'objectif est d'améliorer le confort des automobilistes tout en permettant aux constructeurs d'employer des matériaux plus légers sans compromettre l'isolation phonique. L'expérience est assez courante. Sur l'autoroute, il arrive fréquemment que le revêtement change, ce qui occasionne un bruit de roulement plus ou moins prononcé dans l'habitacle, obligeant parfois à monter le volume de la radio. Hein? Quel problème à régler! Si l'intensité du bourdonnement dépend d'abord de la qualité de l'isolation phonique du véhicule, Ce bruit parasite est toujours présent. Et à la longue, il contribue à la fatigue du conducteur. Ce bruit de roulement ne se réduit guère au fil des ans, car les constructeurs automobiles cherchent partout les moyens à rendre leurs voitures plus économes en carburant et moins chères à fabriquer. Ils jouent sur la qualité des composants afin de réduire le poids en utilisant notamment des isolants phoniques moins performants, du vitrage moins épais et des silent blocks plus fermes. Autant d'éléments qui, combinés, augmentent considérablement le bruit de roulement. C'est là qu'intervient la société Harman avec sa technologie Halo Sonic. Cette société est bien connue dans des audiophiles pour ses marques AKG. Mes écouteurs sont des AKG en ce moment, Carlin Caladon. Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon et Mark Levinson. Harman parle sur le fait que le recours au système électronique de réduction de bruit s'imposera comme une solution à long terme pour les constructeurs automobiles. La technologie Halo Sonic reprend en fait les principes du système de réduction de bruit qu'on retrouve dans les casques audio. Le système repose sur 4 à 8 accéléromètres répartis dans le châssis du véhicule au niveau des roues et des amortisseurs. Les capteurs corrèlent la vibration provoquée par le roulage des pneus sur l'asphalte avec le bruit correspondant à l'habitacle détecté par les microphones situés dans le ciel de toit. Un algorithme va alors diffuser des ondes sonores via les haut-parleurs du système audio qui neutralise ce bruit externe sans altérer la musique qu'écoute le conducteur. Ça a l'air de la magie, tout ça. Halo Sonic a été co-développé avec Lotus Engineering, la marque automobile qui produit des voitures de sport et a apporté son expertise en matière de contrôle actif de la suspension. Selon Harman, Halo Sonic offre non seulement un meilleur confort, mais il améliore également la sécurité en réduisant la fatigue et la distraction. Le système existe également dans une configuration destinée aux véhicules électriques afin de produire un bruit de moteur. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Dont l'intensité est calquée sur la pédale d'accélérateur. Plus tu accélères, plus ça fait du bruit pour avoir l'impression d'être dans une voiture, parce que les voitures électriques, pour ceux qui les ont essayées, c'est un peu épeurant. L'objectif est de rendre... Peut-être pas épeurant, c'est juste bizarre. L'objectif est de rendre ces voitures audibles pour les piétons aussi à l'extérieur. Ben oui, les cyclistes et les autres usagers de la route. Reste à voir quel est le coût de cette technologie. Ce dont Harman ne fait pas mention, bien sûr. Il est assez probable qu'elle sera dans un premier temps réservée à des modèles haut de gamme. Je pense que c'est assez logique. Une équipe d'ingénieurs du MIT a trouvé le moyen de matérialiser le processus de décision d'un robot autonome grâce à un système de réalité augmentée. Cet outil de visualisation est pensé pour aider les développeurs à trouver plus rapidement les bugs et défauts de conception dans les algorithmes de navigation. Certains veulent lire dans les pensées d'un robot autonome, mais pourquoi? Pour savoir si son algorithme de navigation fonctionne de manière optimale. Comment? En observant de quelle manière il décide d'emprunter un chemin plutôt qu'un autre et répertorie les obstacles. C'est le cas de Ali Akbar Aga Mohammadi et de Shaigan Michfi, deux ingénieurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Ils ont créé ce qu'ils appellent un système de réalité virtuelle mesurable, Measurable Virtual Reality, ou le MVR, qui visualise en temps réel la perception que le robot a de son environnement, de quelle manière il identifie les objets et les personnes en mouvement, comment il définit ses options de déplacement, etc. Je cite, « Normalement, un robot prend des décisions, mais on ne sait pas vraiment de quelle manière. Pourquoi choisit-il tel chemin plutôt qu'un autre? » explique Truc-Truc Mohammadi. Mais si vous pouvez visualiser le plan du robot projeté au sol, vous pouvez relier ce qu'il perçoit à ce qu'il fait et comprendre le sens de ses actions. Ce système de réalité augmentée a pour objectif de faciliter le développement et le prototypage des véhicules autonomes, qu'il s'agisse de drones ou d'autres engins roulants. Ainsi, la MVR fournit aux développeurs un moyen d'identifier rapidement les bugs et les défauts de leurs algorithmes. Le système se compose de 18 caméras. Oui, 18 caméras à détection de mouvements disposés au plafond et qui peuvent suivre plusieurs robots simultanément. Les informations sont traitées par un logiciel spécialement développé qui crée un rendu visuel de ces données cachées telles que les itinéraires envisageables et la perception des obstacles. Les images qui se présentent sous la forme de lignes pour les trajectoires et de points pour les obstacles sont ensuite projetées au sol en temps réel grâce à un vidéoprojecteur. Le système peut ainsi projeter un décor réaliste tel qu'un environnement urbain, un réseau routier, une forêt derrière. On peut découvrir le fonctionnement dans cette vidéo, dans une vidéo publiée sur YouTube intitulée « Reading Robots Minds » que je vous invite à aller voir, le lien sur assemblagerequis.com. Je cite encore... Traditionnellement, les simulations et les systèmes physiques sont disjoints. Et il fallait plonger dans le plus bas niveau du code pour le décomposer et essayer de comprendre d'où venait le problème. Désormais, nous avons la capacité de matérialiser physiquement une information de bas niveau de telle sorte que vous n'avez pas besoin de creuser votre code ou de repenser le fonctionnement de votre algorithme. Ajoute truc un mille chafailles. L'équipement du MIT a mené plusieurs tests en se servant de ce système de visualisation, notamment pour un concept de drone livreur dont on entend parler sans cesse. Ils ont fait voler un drone quadricoptère au-dessus d'une ville virtuelle proche à la manière de ce qu'on voit dans Google Street View, afin de simuler une livraison et observer comment l'appareil se déplace. Un scénario similaire a été essayé pour un projet de drone pompier qui survole une forêt virtuelle afin de détecter des départs d'incendie. Étant donné les limitations légales qui s'appliquent au vol de drones en extérieur, on a entendu parler de ça il y a quelques mois, cet outil de simulation pourrait servir à développer et prototyper plus facilement de telles applications en recréant n'importe quel type d'environnement. L'autre avantage est qu'il est aussi possible d'éprouver les algorithmes en introduisant de la complexité dans les simulations, comme des nuages qui gênent la visibilité du drone ou les obstacles mobiles surgissant sur la trajectoire d'un robot. Fascinant, n'est-ce pas? Amazon a lancé une enceinte doublée d'un assistant personnel. Peut-être avez-vous entendu parler. Sinon, je vous l'apprends parce que c'est quelque chose d'intéressant, même si l'application, l'utilisation dans la vraie vie sera peut-être pas vraiment si intéressante. Mais l'idée derrière est bonne. Le géant américain de la distribution en ligne Amazon continue d'étoffer son offre d'appareils électroniques avec une enceinte, une colonne de son, doublée d'un assistant personnel à commande vocale. C'était dévoilé récemment. Baptisé Amazon Echo, il a la forme d'un cylindre noir vertical et sa commande verticale s'active avec le mot « Alexa ». Tout le monde va comparer avec Siri chez Apple, Cortana chez Microsoft et ça va être Alexa chez Amazon. L'appareil est alors capable de répondre à des questions sur les prévisions météo ou les dernières nouvelles, de programmer des réveils et des alertes, de gérer des listes de courses ou de choses à faire, un peu à l'image de ce que font déjà les autres, comme on l'a dit tantôt. Il y a Google Now aussi que j'ai oublié de mentionner. Il intègre aussi un haut-parleur à 360 degrés permettant d'écouter de la musique avec un son immersif, donc de la musique tirée de la bibliothèque personnelle dans le cloud, le nuage d'Amazon, mais aussi des services en ligne concurrents comme Spotify ou Panoramedia. Bien sûr, il n'y aura pas iTunes, en tout cas que je comprends, il n'y a pas d'iTunes là-dedans. C'est trop Apple. Apple ne permettrait jamais à Amazon de faire ça. Il me semble, en tout cas. Donc, Amazon Echo est équipé de 7 microphones pour entendre l'utilisateur, quel que soit l'endroit de la pièce où il se trouve, et même s'il joue de la musique en même temps. On va pouvoir comprendre. C'est cool, ça, se faire entendre même avec la musique. Amazon s'efforce déjà depuis plusieurs années d'élargir son écosystème en se diversifiant. Ils ont fait des téléphones, entre autres. Ils ont fait des petits lecteurs pour la télé, le Kindle pour les livres électroniques, etc., etc. Donc, c'est le nouveau gadget. Amazon.com/OC/Echo, E-C-H-O. Ça va être vendu pour 199 $ américains avec un tarif spécial de 99 $ pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. Nouveau produit qui a l'air cool. On revient aux drones. On a parlé récemment de défibrillateurs qui sera désormais monnaie courante dans les lieux publics, entre autres en France. Un étudiant belge présente le drone Ambulance qui est équipé. Donc, c'est un drone. À l'université de Delft, aux Pays-Bas. Alec Momont est un élève ingénieur belge de 23 ans qui a mis au point un drone volant capable de transporter un défibrillateur sur les lieux d'un accident en un temps record. Présenté à l'université de Delft, aux Pays-Bas, ce drone ambulance serait capable de transporter un défibrillateur en une minute dans une zone de 12 km², faisant passer les chances de survie de 8 à 80%. On dit qu'environ 800 000 personnes subissent un arrêt cardiaque chaque année dans l'Union européenne et seulement 8% d'entre elles survivent. La principale raison est le temps relativement long nécessaire aux services de secours pour se rendre sur place, soit environ 10 minutes, alors que la mort dans ce genre de situation se produit après 4 à 6 minutes, explique l'étudiant. Conçu en fibre de carbone, le drone embarque un GPS qui lui permet de se rendre rapidement aux coordonnées de l'appel, une caméra et un micro pour que les premiers secours soient réalisés avec le soutien de professionnels en attendant une véritable ambulance. Pour l'instant, ce drone très spécial n'est encore qu'au stade de prototype, mais il intéresse déjà fortement les services de secours néerlandais. Pour Alec Momont, ce n'est qu'un début. L'étudiant souhaite pousser le concept plus loin, notamment en ajoutant du contenu au drone, comme un masque à oxygène ou une dose d'insuline. On imagine donc facilement les défis de taille ou plutôt de poids liés à un tel projet. Retrouvez l'article complet sur assemblagerequipe.com, c'est via Clubic. Et si la voiture ne présentait plus aucun angle mort et s'il existait un moyen de rendre l'habitacle transparent? C'est le projet sur lequel se sont penchés des chercheurs japonais. Des voitures transparentes, voilà qui favoriserait grandement les accidents, nous dit Clubic, à moins que la transparence ne soit finalement perçue de l'intérieur. À l'heure actuelle, le champ de vision du conducteur est restreint par les portes du véhicule, la banquette arrière et tous les éléments de carrosserie. Et bien à l'avenir, le conducteur pourrait obtenir une vision dégagée à 360 degrés. Un dispositif de réalité augmentée a été mis au point par des étudiants du département du design à l'université de Keio pour obtenir un champ de vision complet à l'arrière du véhicule. Les étudiants ont fixé une caméra à l'arrière de la voiture. Celle-ci est branchée à un ordinateur sur lequel vient également se coupler un projecteur. L'image filmée est ensuite projetée contre un miroir puis réfléchie sur la banquette arrière. Cette dernière dispose d'un tissu rétro-réfléchissant. C'est-tu compliqué, hein? Il existe à l'heure actuelle des véhicules dotés d'une caméra embarquée sur coffre arrière projetant l'image sur un écran du tableau de bord. On connaît tous ça. Cette nouvelle expérience vise toutefois à proposer un affichage à taille réelle de l'environnement de la voiture. Les banquettes arrière disparaîtraient donc derrière l'image de ce qu'il y a derrière le char, finalement. À moins que les passagers à l'arrière ne soient habillés de ce même textile, ils viendront masquer la partie réfléchissante. Superbe commentaire. Vous pouvez aller voir la vidéo sur assemblagesrequis.com. Ça, c'est ça, quand je lis pas l'article à l'avance, je lis les gags de très, très mauvais goût de Click.com. Un nouveau produit en cours de financement sur Kickstarter, Beyond, est une ampoule intelligente qui se charge d'allumer la lumière dans un domicile lorsque ses habitants sont absents. Mais rien n'est laissé au hasard. L'appareil apprend des habitudes de son utilisateur. Les systèmes d'allumage automatique visant à simuler une présence dans une maison ou un appartement vide ne sont pas nouveaux. Généralement, les habitants doivent programmer des plages horaires pour que le dispositif fonctionne pendant leurs vacances ou déplacements. Mais une telle démarche, réglée comme du papier à musique, peut s'avérer facile à repérer à la longue. C'est là que le système Beyond intervient. Cette ampoule connectée qui cherche des financements sur Kickstarter apprend des habitudes de l'utilisateur. Elle est destinée à être utilisée en plusieurs exemplaires dans un même logement et d'ailleurs proposée en emballage de 3 au minimum. Chaque ampoule dispose de son propre système d'alimentation et elle est liée sans fil avec les autres ampoules connectées. Le système apprend notamment la routine d'allumage au sein du domicile, quelle lampe est allumée avant une autre, la durée moyenne d'allumage. Et de cette manière, il est possible de reproduire un schéma cohérent lorsque la maison est vide, tout en offrant une part d'aléatoire. Les ampoules sont également capables de détecter la sonnette de la porte pour provoquer un allumage crédible, comme si tu étais à la maison et que tu allumais la lumière parce que quelqu'un vient de sonner. Donc, si un cambrioleur venait vérifier si l'habitation est occupée ou non, c'est sûr que ça fonctionnerait. Il y a une vidéo de démonstration qui vous montre les options. Bien évidemment, les ampoules servent au quotidien pour éclairer les différentes pièces du logement. C'est d'ailleurs ainsi qu'elles enregistrent les habitudes des utilisateurs. Par ailleurs, elles sont capables d'identifier le bruit émis par un détecteur de fumée pour guider les habitants vers la sortie en cas d'incendie. Il est aussi possible d'optimiser le réglage de l'allumage nocturne. En cas de lever en pleine nuit, l'éclairage se fait moins intense pour ne pas réveiller toute la maisonnée. Ça, c'est absolument parfait. Beyond est un système évidemment prometteur. La livraison est prévue à partir du mois d'avril 2015. C'est environ 229 $ américains pour 3 ampoules autonomes. Les détails sur assemblagerequis.com. La police de Calgary recourra à un logiciel de reconnaissance faciale. Le service de police de Calgary commencera à utiliser un logiciel de reconnaissance faciale ce mois-ci afin de pouvoir comparer les photos d'identification judiciaire à des photos ou des vidéos prises sur les lieux du crime. Le logiciel se nomme NeoFace Reveal, une création de l'entreprise américaine Neck Corporation of America. Il utilise un algorithme complexe de reconnaissance de forme pour rapidement lire une banque de photos dans le but de trouver des concordances potentielles. La police de Calgary affirme qu'il s'agit d'une première au Canada. L'inspectrice Rosemary Hawkins explique que les agents devaient auparavant fouiller dans leur base de données de 300 000 photos d'identification judiciaire. Avec le logiciel NeoFace Reveal, ça se ferait en quelques minutes, voire quelques secondes. Cette technologie ne sera toutefois pas utilisée pour identifier les gens dans la rue sans raison, a assuré Mme Hawkins. Selon la porte-parole, le logiciel servira uniquement à identifier les individus soupçonnés d'un crime dans le cadre d'une enquête. Il accélérera également, dit l'inspectrice, le processus de mise en détention au cas où un suspect donnerait une fausse identité. La police de la métropole albertaine a signé un contrat avec NEC après un an de recherche. Selon un vice-président de l'entreprise, le logiciel permettra au service de police de Calgary de résoudre plus de crimes plus rapidement et de mieux répondre aux besoins de Calgary en matière de sécurité publique. On parle de Google Glass maintenant, les lunettes de Google qui obstrueraient une partie de la vision à droite. Les lunettes de Google qui affichent des informations sur leur surface grâce à un mini-écran obstrueraient une partie de la vision à droite, présentant ainsi un risque pour la conduite selon une recherche menée sur un petit nombre de personnes, tout ça rapporté par l'agence France Presse. Les effets sur la vision de ces lunettes sont encore largement inconnus, précisent les auteurs de cette étude parue dans le Journal of the American Medical Association, le JAMA. Certaines montures de lunettes traditionnelles peuvent aussi réduire le champ visuel, créant parfois des angles morts. Je le sais moi-même. Je veux dire, il y a quelqu'un en arrière. Mettons, je suis en avant dans une auto, il y a quelqu'un en arrière, puis j'essaie de parler, oublie ça. L'angle mort de mes lunettes rend ça invisible à ma vue. Donc, c'est la même chose avec les Google Glasses, et en pire, parce que tu as un écran d'en face. Donc, certaines montures peuvent réduire le champ visuel, créant parfois des angles morts. Or, les lunettes Google ont une branche sur le côté droit très large, explique ces chercheurs-là, dont le docteur Chuncho Yanchulev. De l'Université de Californie à San Francisco. Ces ophtalmologues ont effectué des tests de vision périphérique avec trois personnes ayant une acuité visuelle de 20 sur 20. Les participants ont d'abord chaussé des lunettes Google et suivi les instructions du fabricant qui prévoit une période d'acclimatation de 60 minutes. Les chercheurs ont mesuré leur champ de vision périphérique avant d'effectuer le même test sur ces trois participants avec des lunettes normales dotées de montures similaires. Les auteurs ont aussi évalué comment les gens portaient les lunettes Google en analysant des photos de personnes avec ces lunettes faisant face à l'objectif. Les résultats ont montré des angles morts importants chez les trois participants qui portaient les lunettes Google, créant de facto une obstruction clinique significative de la vision dans la partie droite supérieure du champ visuel. Selon les chercheurs, ces angles morts résultent de la conception des montures, mais pas d'une distraction créée par le système d'affichage. Ah, voilà, OK. Donc, c'est seulement les branches. Le vert ne dérange rien. Une analyse de 132 photographies de personnes avec ces lunettes a montré qu'un grand nombre les portaient près ou chevauchant l'axe de leur pupille, la ligne perpendiculaire à la surface de la cornée passant au centre de la pupille, ce qui peut induire des angles morts. Les auteurs admettent que les résultats de cette recherche sont limités par le petit nombre de sujets et suggèrent d'effectuer des essais avec davantage de participants. Ça va peut-être forcer Google à changer les montures. La nouvelle... Moi, je la trouve super pertinente. Pour vrai, je trouve que cette nouvelle-là a sa place. Mais les gens en ont beaucoup ri sur Internet et je trouvais ça bizarre. Mais en même temps, les nouvelles comme ça font rire les gens qui ne se renseignent pas. T'sais. Donc, les émoticônes, petits dessins expressifs utilisés dans les courriels et les SMS, devraient proposer l'an prochain davantage d'options afin de mieux représenter la diversité de l'humanité, selon un projet du consortium mondial qui les gère. Je cite, « Les gens à travers le monde veulent avoir des émoticônes qui reflètent davantage la diversité humaine, tout particulièrement la couleur de la peau. » Selon le document présentant le projet est rendu public par Mark Davis de chez Google et Peter Hedberg de chez Apple. Les modifications doivent encore obtenir le feu vert du consortium international Unicode, mais pourraient être mises en œuvre mi-2015. Unicode est un codage universel qui permet de représenter tous les caractères des différentes langues. Je cite, « Les émoticônes d'Unicode représentent des personnes ou des parties du corps humain qui sont faites pour être génériques. » Cependant, étant donné que ces images étaient japonaises à l'origine, elles ont souvent un teint de peau clair plutôt qu'une apparence non humaine plus commune comme un teint jaune, orangé ou une silhouette. Ces nouvelles recommandations proposent des personnages basés sur la classification de Fitzpatrick, une échelle utilisée en dermatologie qui détermine 6 types de peau en fonction de leur réaction au soleil. Les émoticônes ont été développés à l'origine au Japon, mais ont par la suite été adoptés dans le monde entier. Elles comprennent tout un catalogue d'images, que ce soit des cœurs en couleur, on sait tous des fleurs, des animaux, etc., etc. Et beaucoup de variations autour des smileys pour exprimer des émotions diverses. Ça va, les smileys sont jaunes, c'est supposé représenter absolument personne, c'est un personnage de dessin animé, tu sais. Je cite, bien sûr, il y a beaucoup d'autres éléments de diversité dans l'apparence humaine, à part la couleur de la peau, qualité et couleur des cheveux, port de lunettes, pilosité différente, silhouette différente, couvre-chef différent. On t'a dit qu'il est défenseur de cette évolution. C'est sûr que là, on va pas commencer à avoir des poils différents, là, tu sais. Moi, j'aimerais. Parce que dans le fond, ce que ça va être un modificateur. Donc, c'est ça, faut creuser plus loin des fois, puis les journaux ont tendance, ou l'agence France Presse, à juste mettre les faits de base, puis pas aller plus loin que ça. Mais, les émoticônes vont avoir... C'est le but de la chose, ça veut pas dire que ça va être vraiment comme ça. Mais tu vas pouvoir choisir ton personnage, il y a un modificateur de couleur, donc tu vas pouvoir choisir, mettons, le brun, la teinte de brun que tu veux, le jaune de la teinte que tu veux. Donc, il va y avoir probablement, j'imagine, selon ce qu'on a dit de l'échelle Fitzpatrick, 6 couleurs qui vont venir modifier un émoticône. Donc, dans le fond, pour l'utilisateur moyen, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 3 milliards d'icônes. Ça ne sera pas genre plus difficile à gérer. C'est juste le fait de pouvoir se représenter soi-même. C'est peut-être avoir un couple interracial ou peu importe. Tu pourrais avoir une variété. Alors que là, présentement, c'est bon, ben, t'es japonais, finalement. T'sais. C'est un peu ce que ça veut dire. Tout le monde est japonais. T'sais. Mais bon, c'est ça, c'est pas dramatique, mais... Les gens qui en riaient, je trouvais ça dommage. Des chercheurs britanniques veulent prévenir le piratage d'avions. Et s'il était possible de faire s'écraser un avion à distance via un programme informatique? C'est le scénario catastrophe qu'un groupe de chercheurs britanniques veut prévenir. David Stopples est professeur à la City University et travaille pour la division contre le cyberterrorisme pour le gouvernement britannique. Et d'après lui, pirater un avion pour le faire s'écraser n'est pas impossible. Interrogé par The Guardian, Stopples est l'un des chercheurs d'un groupe qui s'est mis en place afin de prévenir une prise de contrôle à distance qui pourrait avoir des effets dramatiques. En avril 2013, un expert en sécurité, Hugo Tessot, avait démontré qu'il était possible de hacker un avion via une application Android installée sur le smartphone d'un téléphone intelligent d'un passager. Une menace qui semble désormais prise au sérieux, à l'heure où les portes d'entrée pour les pirates n'ont jamais été aussi nombreuses, avec notamment le développement du Wi-Fi à bord des aéronefs. Ruben Santamara, lors du Black Hat 2014, une conférence de hackers, a par ailleurs révélé que si un pirate ne pouvait prendre le contrôle d'un appareil via le réseau Wi-Fi de ce dernier, il serait tout de même en mesure de perturber la communication avec le satellite, ce qui pourrait avoir de sérieuses conséquences. D'après le professeur Stopples, le moyen le plus sûr de contrer une attaque serait de pouvoir désactiver les services à l'origine de la faille. Je cite, « Nous devons imaginer des architectures capables de survivre à une cyberattaque. » fin de la citation. Même si cette dernière semble encore peu probable pour lui, je recommence à citer. Il faudrait connaître la totalité de l'architecture réseau du système de pilotage ainsi que de toutes ses interfaces d'accès. Fin de la citation. Un scénario peu probable donc, mais suffisamment crédible pour qu'un groupe de chercheurs se mette au travail. Les pirates potentiels sont nombreux et très intelligents et nous devons pas les sous-estimer, disent-ils. Un site internet s'est amusé à regrouper les images de pas moins de 73 000 caméras IP à travers le monde en cause, comme souvent, c'est évidemment les identifiants et mots de passe trop simples. Donc, si vous possédez une caméra IP à votre domicile et que vous n'avez pas touché aux paramètres de cette dernière depuis son installation, allez voir du côté du site insecam.com, et vous retrouverez peut-être des images de votre domicile. Vous pouvez effectuer une recherche par pays puis par ordre alphabétique, mais ça peut être assez long parce qu'il y a 73 000 caméras qui sont référencées. La faute, comme je le disais en introduction de l'article, c'est le traditionnel duo admin-admin ou admin1234-5. Donc, évidemment, on recommande pas ces mots de passe-là parce que c'est assez facile à deviner. C'est ce qu'ils ont fait avec ce site-là. C'est cool. D'ailleurs, parlant de site web, parlons de jeux vidéo un petit peu maintenant. Une nouvelle section du site Internet Archive, nommée l'Internet Arcade, permet aux internautes d'accéder à pas moins de 900 jeux d'arcade des années 80 et 70 par le biais de leur navigateur. Bien connu pour sa mission de sauvegarde du web, si vous connaissez pas encore l'Internet Archive, vous faites vraiment dur parce que c'est un des meilleurs sites qui a jamais été fabriqué de la vie. Il vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc, l'Internet Arcade, une nouvelle rubrique qui regroupe environ 900 jeux d'arcade vintage qui ont principalement fait leurs armes dans les années 70 et 80. Et grâce aux joies de l'émulation, ils sont désormais jouables directement par le biais d'un navigateur web. Qu'on pense à Pac-Man, Frogger, Q-Bert, Track and Field, Goals and Ghosts. Nombreux sont les classiques qui font partie de la longue liste de titres disponibles sur le site. Si certains jeux sont assez difficiles à prendre en main avec un clavier, il reste possible de connecter une manette pour rendre l'approche plus confortable, peut-être même un joystick. Pour lancer une partie, il faut insérer une pièce de monnaie virtuelle en appuyant sur la touche 5, puis sur 1 pour sélectionner le mode d'un joueur, tandis que la touche Alt est associée au bouton Start. Le reste des commandes varie selon le jeu. Il faut s'aventurer sur les touches du clavier pour se faire la main un peu. Ce projet a pu voir le jour grâce au travail d'une petite équipe de développeurs menée par Jason Scott. Ces derniers planchent depuis plusieurs années sur la conception de JSMS, le JavaScript MES, basé sur l'émulateur MAME. Sur son blog, Jason Scott recommande d'utiliser Firefox pour apprécier au mieux l'émulateur intégré dans la démarche de l'Internet Archive. Chrome est aussi compatible. On estime que les jeux sont 20% plus lents sur ce navigateur-là. Du côté de Safari et de Internet Explorer, le son des jeux ne s'active pas pour l'instant, mais tout le reste s'avère fonctionnel. Allez voir Internet Arcade pour tester les jeux mis gratuitement à la disposition du public, c'est sur archive.org/details/Internet Arcade. Donc archive.org, cherchez Internet Arcade. Ensuite, il en restait une de ma préférée, j'ai gardé pour la fin. Mario, Super Mario qui va avoir son propre musée. C'est la presse qui nous renseigne un peu. Ce sera le premier musée du monde consacré aux jeux vidéo. Et si tout se passe comme prévu, il ouvrira en mars 2015 à Nottingham en Angleterre. Donc, c'était qu'une question de temps, plus qu'un simple passe-temps pour les ados. Les jeux vidéo sont désormais reconnus comme une plateforme d'art en soi. Ce n'était que justice de leur donner un espace digne de ce nom. Avec une collection de 12 000 objets, la National Video Game Arcade s'adressera aux gamers tout autant qu'aux détracteurs de cet univers trop souvent incompris. Je cite, « C'est l'industrie culturelle qui grandit le plus rapidement au monde, mais beaucoup de gens la trouvent encore insignifiante. » Donc, confié à un responsable du projet, Ian Simmons, au quotidien de The Telegraph. Les parents en particulier pourront comprendre ce que leurs enfants font et que cette activité ne les transformera pas en sociopathes. Le musée d'un coût de 2,5 millions de livres ou 4,5 millions de dollars canadiens abritera 4 étages d'exposition permanente et temporaire avec des articles allant de la Magnavox Odyssey, la première console de jeu en 72, et jusqu'à la récente PlayStation 4. Les visiteurs pourront aussi jouer et même participer à des ateliers sur la programmation. Coïncidence, un autre musée de jeux vidéo devrait ouvrir en avril prochain à San Francisco, un mois après celui de Nottingham. Donc, beaucoup de place où aller voyager. Voilà. Côté location en jeu, en club vidéo, oui. Allons-y avec NHL 15 en 10e place sur Xbox 360. Bayonetta 2 en 9e place sur la Wii U. En 8e, The Evil Within est sur PlayStation 4. En 7e, Middle Earth Shadow of Mordor sur PlayStation 4. En 6e, WWE 2015 sur Xbox 360. C'est aussi en 5e place sur PlayStation 3. En 4e, Une légère chute pour Super Smash Bros. For Nintendo 3DS, c'est sur la Nintendo 3DS. En troisième, Lords of the Fallen, édition limitée sur Xbox One. En deuxième, le même jeu sur PlayStation 4. Et en première place, c'est Sunset Overdrive sur la Xbox Uno. Voilà pour la collection X. On va retourner à notre série qu'on a débutée tantôt. En fait, on l'avait continué. On va être rendu à la sixième pièce de la compilation Audio Engineering A Tribute to Sid. On s'en va entendre l'artiste Omni Science avec Canon in Sid Minor, basé sur Sid's theme de la série Final Fantasy. MPS, le Mathieu Plancheau sur ses fous. Ivan Hackstock et Balham Garden, basé sur Final Fantasy VII Garden Hope. C'était dans la collection Radio Engineering Attribute to Sid. Ah, maintenant, tiens, on va regarder un petit peu ce qui se passe en magasin. Allons magasiner un peu. C'est bientôt sur vos écrans. Voici les nouveautés en magasin pour la semaine du 9 au 15 novembre 2014. Commençons par un jeu qui sort sur PC, un jeu indépendant nommé Magnetic by Nature. Uh-huh. Ensuite, on a Global ATC Simulator sur PC et Urja sur PC aussi. Tank sur PC, un paquet de jeux que personne ne connaît, Desert Ashes et Why So Evil. Ça, c'est pour lundi, le 10 novembre. Ensuite, le 11 novembre, mardi, sort enfin sur la PlayStation Vita, Minecraft PlayStation Vita Edition. C'était très attendu. Les fans de Minecraft veulent jouer sur chaque console possible. C'est coté 8,5 selon GameSpot. Ensuite, sur Xbox 360, Tropico Limited... Tropico 5 Limited Special Edition. Vous contrôlez El Presidente sur l'île de Tropico au début de l'époque coloniale et vous le guidez à travers les siècles. Voilà, Tropico 5, c'est coté 8 selon GameSpot et 7,4 selon la communauté. Sonic Boom Rise of Lyric sort enfin sur la Wii U. On en parle depuis très longtemps. C'est le nouveau Sonic avec les personnages dessinés de façon complètement différente de l'habitude, mais je trouve ça vraiment très très beau. Donc c'est sur la Wii U que sort Rise of Lyric, alors que la version 3DS qui s'appelle elle Sonic Boom Shattered Crystal sort le même jour, donc les deux sur la Wii U et sur la 3DS, c'est pas le même jeu, bien sûr. Assassin's Creed Unity Limited Edition sort sur PlayStation 4, Xbox One et PC, c'est coté 7 selon GameSpot. C'est la prochaine évolution de la franchise, bien sûr en édition limitée. Tales of Hearts R sort sur la PlayStation Vita. Mm-hmm. Lego Batman 3 Beyond Gotham sort sur Xbox One, PS4 et PC, entre autres. Donc, le chevalier à la cape qui rejoint les autres héros de DC Comics pour se battre dans l'espace. Senran Kagura Bon Appetit sort sur PlayStation Vita. Ensuite, Halo The Master Chief Collection sort sur Xbox One, qui ramène les quatre jeux de Halo ensemble dans une seule collection pour la Xbox One, remasterisée bien sûr. Shape Up! Oh! Oui! Oh! Attention! Vraiment génial comme information. Shape Up, OK, sort sur Xbox One. C'est exclusif à la Xbox One. C'est des méthodes d'entraînement, mais différentes. Vous tirez sur des affaires dans l'espace, vous soulevez des vaches, des affaires qui n'ont pas rapport pour vous aider à perdre du poids. OK, probablement, ça a l'air absolument malade comme jeu. J'ai vu des extraits, c'est débile. Mais en plus, si vous écoutez les palmarès C'est fou, que vous aimez la musique thème, les musiques de fond, c'est du Artist of the Year. Et c'est eux qui font la trame sonore de Shape Up. Et qui est disponible sur iTunes, d'ailleurs, la trame sonore. Elle coûte 11$, je vous la suggère. Donc, Shape Up sur Xbox One, ça sort là, cette semaine. Malade, hein? J'ai du super excité parce que je suis excité. Alors, on continue avec Pro Evolution Soccer 2015, qui sort sur Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 et PlayStation 4. C'est un jeu de soccer, c'est coté 8 selon GameSpot. Tetris Ultimate sort sur la Nintendo 3DS, c'est la suite, la version de nouvelle génération. Comme on dit, meilleur que jamais, hein, selon la compagnie derrière. 6 nouveaux modes excitants, comme ça, il n'y avait pas eu 1000 avant, puis sont tous pareils. Des effets visuels uniques. Je vais certainement l'essayer sur la 3DS, c'est cool pareil. C'est bon d'avoir une version de Tetris enfin sur la 3DS, je crois qu'il n'y en avait pas. Ça datait de la DS avant, il me semble. Digimon All-Star Rumble sort sur PlayStation 3 et Xbox 360. C'est un jeu de multijoueur en arène à la... Je sais pas si je dirais... peut-être Pokémon Stadium, probablement. Genre, on dirait en tout cas. C'est basé sur la franchise de Digimon. Ça, c'est la série télé, les animés, manga, etc. Assassin's Creed Rogue sort sur PlayStation 3 et Xbox 360. Vous jouez pendant une longue guerre. Ça va entre deux autres jeux de Assassin's Creed. Je connais pas trop la mythologie. Teenage Mutant Ninja Turtles Danger of the Ooze sort sur 3DS. C'est un jeu d'action-aventure qui se passe de gauche à droite. Payday 2 Safe Cracker Edition sort sur PS3 et Xbox 360. C'est coté 7 selon GameSpot. C'est un jeu d'action à 4 joueurs. Vous jouez le Payday Crew de Dallas Hoxton, Wolf et Chains. Hello Kitty and Sanrio Friends 3D Racing, un jeu de quoi de course avec Hello Kitty sort sur 3DS, ok. Nano Assault de Neo X sort sur PlayStation 4, Toy Box Turbos sort sur PC, Valkyrie Edge Chronicles sort sur PC. Ça c'est coté 8,5 selon GameSpot, c'est un jeu d'action RPG, jeu de rôle, avec des éléments de stratégie et des tanks, nous dit-on. Get Off My Lawn sort sur PC et Vita. Safari Quest sur la 3DS. Jane Craft sur PC. Deadlings, The Rotten Edition sur le PC. Disney Planes Fire and Rescue sort sur 3DS et Wii U. C'est évidemment basé sur le film, donc ça doit pas être très très bon. Retro City Rampage DX sort sur PlayStation 4, PlayStation 3 et PlayStation Vita. C'est coté 7 bons selon GameSpot. C'est une parodie des jeux open world à la Grand Theft Auto. Donc, on prend les mécaniques de jeux modernes et on mash-up ça avec une authentique expérience visuelle de 8 bits. Donc, on met 8 bits et mécaniques de jeux récentes dans le même jeu. C'est un gros succès. Retro City et Rampage. La trame sonore est vraiment très bonne aussi. Ring Ring Circus sur PlayStation Vita. Terraria sur PlayStation 4, c'est un jeu en side-scrolling, donc de gauche à droite, un jeu de plateforme, d'action-aventure, avec l'accent mis sur le bricolage et l'exploration dans des mondes très colorés. C'est coté 9 superbes, selon GameSpot. 9 superbes, on entend ça très rarement. Est-ce qu'on est juste rendu à mercredi 12 novembre? Ça avance donc même pas, cette histoire-là. Il y en a combien de tonnes de jeux cette semaine du mois de novembre? On va continuer. Randall's Monday sur PC, Chariot sur PC, Deadstone sur PC, qui est un jeu de stratégie, shooter et jeu de rôle en même temps avec du combat en 2D, des éléments stratégiques, des éléments de tower defense aussi pour ceux qui aiment ce genre de jeu-là. Digimon All-Star Rumble, je saute à Space Hulk Ascension Edition qui sort sur PC, Emperor sur PC. Ensuite, jeudi, A World of Kiflings sort sur Wii U, c'est côté 7 selon GameSpot. C'est un jeu où on construit une ville avec de tout petits personnages qui se nomment des Kiflings. Il faut les aider à construire leur royaume. Et les joueurs jouent un géant. Hein? On joue un géant. World of Warcraft, Warlords of Draenor. C'est la prochaine extension. Ça sort sur PC. Ah, tu sais, tantôt, je disais qu'il y avait rarement des 9. Regardez-moi ça, un 9.5. Superbe, selon GameSpot. C'est un jeu évidemment multijoueur, massivement multijoueur et en ligne, un MMORPG qui se passe 4 ans après Warcraft 3 Reign of Chaos. Ensuite, on est tenu d'entendre parler d'Assassin's Creed Unity, on l'a déjà dit, là, mais là il sort dans d'autres versions, j'imagine. Tengami sort sur Wii U, ça se passe dans un Japon ancien. C'est un jeu d'action, d'aventure exploratif, si je peux m'exprimer ainsi. Et je crois que je ne peux pas, parce que ça se dit pas. Earth Online sur PC, c'est un jeu massivement multijoueur et en ligne, dans un univers à la carré de sable, donc sandbox, on peut faire à peu près n'importe quoi. Castle Conqueror Defender sort sur 3DS, Scary Girl Illustration Kit sort sur 3DS, Xavier sur Wii U, Picross, Picross E5. Si je peux vous conseiller un jeu dans votre vie, un puzzle, si vous aimez Tetris et que vous avez jamais joué à un jeu de Picross, P-I-C-R-O-S-S, je vous conseille énormément. Ça vient de moi, Mathieu Plante, Mathieu Plante. C'est un conseil que je vous donne d'amis. Picross, c'est vraiment le fun. Et là, c'est la version Picross E5 qui sort sur le 3DS. Ou, comme je dirais, sur la 3DS parce que c'est une console, c'est clairement. I've Got to Run Complete Edition sort sur 3DS. On descend à vendredi 14 novembre. This War of Mine sort sur PC. C'est un jeu de survie dark, très sombre. Nous dit-on, les joueurs contrôlent un groupe de civils qui essaient de rester en vie dans une ville. Il y en a beaucoup en Europe, là, mais... Okay. The Sun and Moon sur PC. Shadows Heretic Kingdoms sort sur PC. QP Shooting Dangerous sort sur PC. Onikira Demon Killer. Frozen Synapse Prime sur PC. Toy Box Turbos. Et c'est tout. Que de jeux indépendants, que de jeux dont personne ne va jamais entendre parler. Mais c'est pour votre éducation personnelle. On vient de faire les nouveautés en magasin pour la semaine du 9 au 15 novembre 2014. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est vrai. Tout fonctionne bien pour mon chiptune. Mon site de chiptune, chipmusic.org, est revenu à la vie. Ou est-ce l'internet de l'UQTR? On s'en fout un peu. Mais on va l'entendre. Donc, autre chose que du Final Fantasy, parce que j'ai besoin de mon chiptune dans la vie. J'ai besoin de musique qui sonne jeux vidéo. C'est bien beau. Tantôt, des fois, il y a plusieurs catégories de musique de jeux vidéo, de ce qu'on appelle de la chip music. Des fois, ça englobe tout. C'est le chip music et la chiptune. Ça peut être de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo. Donc, vraiment, c'est des sons exacts de la NES ou de la Game Boy. De la musique qui va essayer de s'inspirer de ça et va ressembler à ça, mais qui n'est pas techniquement fabriqué à partir d'une console. Donc, c'est fait dans un logiciel de son avec des synthétiseurs qui vont sonner comme des consoles de jeux. On se comprend, c'est la deuxième catégorie pour moi. Et la troisième catégorie, c'est de la musique de jeux vidéo. Dans le sens qu'on est rendu en 2014-15 bientôt, et la musique de jeux vidéo, ça peut être une toune de Blink-182, on s'en fout, tu sais. Mais évidemment, ça, moi, je considère pas ça comme de la musique de jeux vidéo. Mais de la musique de jeux vidéo qui a été créée pour des jeux, c'est ma troisième catégorie. Et là, j'ai envie de retourner à la première et à la deuxième pour aller entendre l'artiste Eroko. On s'en va écouter Make Way. Et ça sonne comme de la NES, donc je vais aimer ça. Évidemment, vu que je la mets dans l'émission, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, metteur en vedette, Mathieu Plante. We'll be right back. ont manqué est Beat Race, précédé de Make Way et Erica. Ça, c'est l'artiste, Erica. Deux très, très bonnes chansons. Celle-là qu'on vient d'entendre, je l'adore particulièrement. Tiens, maintenant, c'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses vérifiables et vérifiables sur Internet, bien sûr. Hein? Mais dans ce cas-ci, les sources sont assez sûres et c'est un fait Tech Edition. Je pense que j'ai pas mentionné depuis le début de la chronique, mais c'est bien, c'est un fait Tech Edition et non pas juste c'est un fait. Donc, on commence avec ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Le 27 octobre en 1994, Hotwired a été lancé, ce qui a amené par le fait même la première grande quantité de ventes de bannières publicitaires sur Internet. C'est en 1994, il y avait AT&T, Zima, MCI, Volvo, Club Med qui annonçaient là-dessus. Donc c'était en 1994. Le 28 octobre 1998, le président Bill Clinton signe la loi qu'on appelle le Digital Millennium Copyright Act. Donc c'était illégal pour vous d'utiliser votre ordinateur de la façon qu'il était supposé être utilisé. Ça a empêché plein d'affaires plus tard. Donc les compagnies peuvent maintenant vous empêche de faire des choses. En 69, le 29 octobre 1969, le premier ordinateur, le premier lien entre deux ordinateurs, oui, a été établi sur l'ARPANET. Donc, l'étudiant de la UCLA, Charlie Klein, a envoyé les caractères L et O à l'université de Stanford. La connexion a planté avant qu'il puisse finir d'envoyer le mot login. Donc, c'était L-O, les premières lettres de login. Tu sais qu'Internet allait mal depuis le début. Il n'y a pas juste à l'EQTR qu'on a un réseau de marbre. En 88, toujours le 29 octobre, Sega lançait la Mega Drive, la console au Japon. Ça allait plus tard sortir ailleurs dans le monde sous le nom de Genesis. Mais là-bas, ça s'appelle la Mega Drive. C'était en 88. En 2013, Motorola annonçait son projet de téléphone modulaire. Vous avez peut-être vu passer ça, le projet ARA. Ça a plus tard été râlé par Google. Évidemment, quand ils ont racheté Motorola, donc ça appartient à Google maintenant. Et puis, on a vu sortir dans les derniers jours le modèle fonctionnel de ce projet ARA. Là. Le 30 octobre 1938, Orson Welles a complètement surpris tout le monde, le public américain à la radio, avec sa célèbre diffusion de War of the Worlds. C'était présenté à la radio, il y en a qui se rappellent pas de ce fait-là, mais c'était présenté à la radio comme étant vraiment du théâtre. Mais ceux qui portaient pas attention, qui ont juste entendu le contenu, ils ont pensé que tout ça était vrai, c'est une pièce de théâtre à la radio, c'était War of the Worlds. Il y a eu un film là-dessus, bien sûr. En 87, NEC a commencé à vendre la console 16-bit TurboGrafx-16, Entertainment Super System, ou au Japon, le très plus accrocheur nom PC Engine, mais nous, on appelait ça le TurboGrafx-16 Entertainment Super System. C'était plus populaire au Japon que la Famicom, qui est ce qu'on appelle, nous, la NES. Donc, un grand succès pour la TurboGrafx-16 là-bas. Mon cousin en avait une, c'était vraiment cool, ça. En 2012, Disney et George Lucas annonçaient que Disney allait reprendre 100% des parts de Lucasfilms, dont International Light and Magic, je crois, ILM, LucasArts et Skywalker Sound. La compagnie a aussi annoncé l'intention de sortir Star Wars épisode 7 en 2015. Le 31 octobre 2000, Bertelsmann Music Group, qu'on appelle BMG souvent, et Napster ont signé un contrat, un accord pour développer un service d'échange et de partage de musique, mais finalement, ça s'est jamais matérialisé, c'était en 2000. En 2007, Nintendo of Japan a finalement arrêté le support technique, oui, de la réparation des consoles Famicom. Comme on a dit, c'est la NES japonaise. Il manquait de pièces pour pouvoir réparer, donc c'était la fin de l'ère 8-bit officiellement. Le 1er novembre 1870, le United States Weather Bureau, qui s'appelle maintenant le National Weather Service, faisait son premier rapport, son premier bulletin météo. Donc, 24 observateurs ont envoyé des télégrammes de leur météo jusqu'à Washington D.C. C'était en 1870. En 1968, la MPAA et deux autres organisations de l'industrie de la musique. C'est vraiment mon erreur. C'est MPAA, c'est la Motion Picture Association of America. Bon, c'est ça. Donc, ils ont présenté pour la première fois. Personne ne sait ça, c'est juste moi. Le système volontaire de cotes. Donc, vous voyez souvent dans les films américains, en fait, on a des codes différentes, il me semble, au Québec. Mais bon. Donc, G veut dire parfait pour tous les âges. Ensuite, M qui veut dire mature. R pour restreint, public restreint, genre de, je pense, c'est 17 ans et plus. Et X Là, il me semble que c'est comme 18 ans et plus. J'ai pas les chiffres, j'ai pas les nombres devant moi, les âges, mais vous savez ce que ça veut dire, X, là, c'est des films plus pour adultes, voilà. Donc, c'était en 1968 qu'on amenait les cotes. C'était encore une fois volontaire, sur une base volontaire. Le 3 novembre 1992, Tim Berners-Lee, fondateur de l'Internet, postait une page qui décrivait ce qu'était le World Wide Web. Et cette page-là est encore disponible sur le web. Allez voir assemblagerequis.com pour le lien. Le 4 novembre, en 1879, James Jacob Reedy brevetait la première caisse enregistreuse sous le nom de Reedy's Incorruptible Cashier. Il a été motivé pour l'invention par ses employés qui le volaient dans son saloon. Donc, c'est une caisse enregistreuse incorruptible. Il fallait absolument faire une transaction, quelque chose comme ça, pour pouvoir ouvrir le tiroir. Et en 1939, Packard Motor Company montrait la première automobile avec air climatisé au 40e Automobile Show de Chicago en Illinois. C'était en 1939. On a beaucoup de temps à rattraper. On continue avec le 5 novembre. En 1895, le bureau de brevets américain a officiellement donné le brevet à George B. Selden. C'était le brevet américain pour son moteur de route. En fait, on considère ça comme la première voiture. Donc, le Road Engine, c'était la première voiture. Il a fait beaucoup d'argent en revendant son brevet. Non, pas en revendant. En faisant une licence, genre que tu avais le droit d'utiliser son brevet. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ensuite, Henry Ford l'a complètement détruit en cours. Et c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui des voitures Ford et non pas des voitures Seldens. C'est comme ça. En 2007, l'Open Handset Alliance présentait quelque chose qu'on appelait le système d'exploitation Android pour les téléphones mobiles. Très peu de personnes pensaient que ça allait être vraiment un succès, que ça allait détrôner BlackBerry et Palm à l'époque. Mais ça a très bien fonctionné, Android. Le 6 novembre, en 1928, le New York Times a commencé à faire clignoter là, et dérouler, défiler des grands titres sur le côté du Times Square, en fait, sur une bâtisse à Times Square, avec des grosses pancartes électroniques. Enveloppé autour du quatrième étage. Ça s'appelle le Motograph News Bulletin. Ça a débuté en 1928. Le 7 novembre 1994, l'Université de la Caroline du Nord, la University of North Carolina, donc leur station de radio universitaire WXYC, a débuté la première diffusion de radio Internet. C'est le DJ Michael Schaffner qui a installé ça. Et la diffusion simultanée sur Internet existe encore aujourd'hui pour la station WXYC. Donc, ça a commencé en 1994. Wow! Le 8 novembre 1870, on a parlé tantôt du US Weather Bureau, qu'on appelle maintenant le National Weather Service, le service de météo américain. Ils ont donné leur premier avertissement pour une grosse tempête au-dessus des Grands Lacs. C'était complètement précis, mais il n'y avait pas encore de bip, hein? Évidemment, à la télé, parce que c'était en 1870. Mais non, maintenant, on entend des petits bips qui viennent masquer nos émissions préférées à la télé américaine, mais bon, c'est comme ça. Et le 9 novembre, finalement, en 2004, la fondation Mozilla sortait Firefox 1.0 avec des onglets et un bloqueur de pop-up. Donc, Firefox 1.0 en 2004, ça fait déjà 10 ans. Incroyable, mais vrai! C'est tout pour cette fête Tech Edition. Il va nous rester assez de temps, juste assez, pour aller entendre une petite pièce de chiptune avant de se quitter, là. On fait les choses dans le désordre aujourd'hui, on met sur plan de show, on fait tout ça n'importe comment, puis on aime ça de même. Donc écoutons Rally J, voici Pure Imagination, MPS, le Mathieu Plan de show sur CIF.